La bataille du lac débute ce soir. Hier, on a parlé avec Luc Fortin. Là, maintenant, on va parler avec l'instructeur-chef Pascal Cloutier, les Hurricanes de Mastuya. Salut, Pascal. Oui, salut. Pascal, c'est-tu un beau nom que j'ai trouvé? La bataille du haut du lac. Je trouve ça cute, mais... Oui, c'est exactement ça qui va se passer, je pense, dans notre tour dans notre série, là. OK, Fait OK. que j'ai hâte de voir, hein. Affronter des rapides, est-ce que c'est quelque chose de est-ce qu'il y a une petite rivalité ou c'est une autre équipe comme un autre? Je pense qu'il y a une petite rivalité parce que ils ont eu le dessus sur nous autres durant la saison. Hein. En 4 victoires, nous autres, on a eu une. Ça le dit bien en plus, ils portent bien le nom, ils sont très rapides. Ouais. Puis ils ont un bon système de jeu, des bons attaquants, des bons défenses, des bons goalers, des bons coachs. Fait que ça va être une très bonne série. OK. Si on parlait maintenant j'ai parlé avec Hugo Maltais la semaine passée. Hugo mentionnait qu'il va falloir être discipliné, il va falloir jouer défensif, pas changer de, pas rien changer de notre système de jeu. Est-ce que tu es d'accord avec Hugo là-dessus? Oui, ben moi, c'est pour ceux-là qui me connaissent, là, j'ai un système défensif. Moi, je suis basé sur un système défensif avec les 5 joueurs sur la patinoire Pas comme qui Jacques font Lemaire, mon j'espère. système. Pas comme Jacques Lemaire, parce que Non. les games doivent être plates en motadi. Ouais, non, les games sont pas plates. C'est pas je OK. fais pas un système de trappe, là, disons, non. OK. Mais non, ils ont toutes des responsabilités, là, puis non, ça donne des bons jeux. Mais c'est parce que moi, je suis basé comme ça, sur la défense avant. Puis, je suis un peu comme Claude Julien qui, quand il dit que le tout décolle par la défense. Avec une bonne défense, on peut tout faire. OK. Le Fait que c'est pour ça qu'il n'y a aucune équipe qui me fait peur. Qu'est-ce que tu devras faire à part le jeu défensif pour battre les rapides? Certainement profiter des chances. C'est quoi ton plan de match là-dessus? Écoute, j'ai beaucoup de. Je pense que. Comme j'ai dit, la série va être très serrée. Puis je pense que le tout va se décider par des petits détails. Puis tous les petits détails vont être importants. Puis je pense que Luc, je le connais aussi. On a déjà coaché un petit peu ensemble. Puis lui aussi, il est très soucieux des détails. Puis je pense que ça va être une bonne, très bonne rivalité. Puis on va se checker tous les deux pour voir trio, des choses comme ça. Là. Mais je pense que ça va être très serré là. Je peux pas savoir là, qui va gagner. OK. Du côté des rapides, hier, je parlais avec Luc Fortin. On sait qu'il n'y a pas eu une grosse opposition en première série. C'était Chibougamau. Pauvres eux autres. Chibougamau, ça a été lamentable tout au long de la saison. Vous autres, vous avez affronté le National de la Baie. Est-ce que ça a été une bonne préparation pour la deuxième série? Je penserais plus que ça a préparé notre discipline. Parce OK. que contre le National, ça a été pas une très belle série, disons, là. Ça a été plus, comment je pourrais dire ça, cochon, puis vraiment plus pour pratiquer le mental de mes jeunes, là. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'opposition non plus de la part du National, là, vu qu'on avait tout gagné aussi durant la saison contre eux autres. OK. Je pense pas ça nous a préparé juste peut-être du côté discipline. OK. Le reste, ben écoute, j'ai enclenché pareil mon système défensif là pour le pratiquer, là, mais Si on parlait maintenant de l'avantage de la glace, tu l'as pas l'avantage de la glace? Est-ce que c'est un inconvénient? C'est sûr que là, tu n'as pas la foule. Il n'y a pas de foule, là. Quand même, ce soit dans l'histoire, là, il n'y a pas une grosse foule. Il y a autant de partisans quasiment des Hurricanes qui vont être dans les gradins que des Rapides. Mais à part de ça, tu as quand même le dernier changement, c'est lui qui va l'avoir. Est-ce que ça, c'est un avantage, désavantage? Ben écoute, quand on joue à l'extérieur, on joue quand même assez bien. Ouais. Puis moi, je pense pas que c'est un désavantage. Pour la foule, ben, comme tu dis, tu penses qu'on n'a pas eu beaucoup de monde, mais durant notre première série, là, à Mastoyage, c'était plein. Ah oui, OK. C'était Ah vraiment oui. impressionnant, là. Oui, c'était plein. Puis je m'attends encore qu'il y ait encore plein pour la série contre Dolbeau. Puis une bonne foule, puis écoute, je pense que ça anime aussi, mais on n'est pas désavantagé à aller jouer extérieur. Puis le deuxième changement, je vais être capable de gérer ça. OK. Fait que il y aura pas de problème là. OK. Mais quand tu dis plein, c'est quoi? Quand plein pour le Ouais, plein. Quand on dit plein, pour Ah, OK, ben les écoute, non, Majorquins. il y avait beaucoup de monde. 300-400 personnes, pense quoi? que je pense que c'est pas loin de 300 certains. Ah, c'est puis, bon. Il faut faire les comptes, là. Mais non, c'était très bon. Même ceux-là qui ont qui sont dans l'hockey mineur, là, ils ont trouvé vraiment qu'il y avait beaucoup de monde là, pour une game bantam. Là. OK. Fait que c'est bien. Là. OK. Mais on fait beaucoup de publicité là, avec Facebook. On crée des événements, on partage tout ça. Puis je te dis que ça rejoint beaucoup de monde. OK. Donc, et Massouya, je pense qu'il y a quand même une belle vie de hockey. Donc, ça va débuter ce soir, samedi, c'est 1-1-1. Hein. Il n'y a pas de 2-2-1. Là. C'est un match à Mississauga, un match à Mastouillage, et par la suite, on revient ici à Dolbeau, parce que la c'est toujours est fermée. Oui. Donc, ça va être ça, exactement. À part oui, ça, la saison, ça a quand même bien été. Hey, je regardais ça au POC, vous étiez carrément en arrière des rapides. Ça fait longtemps que vous avez pas été en arrière des rapides. Oui, ben, ça les rapides ont eu une bonne fin de saison. Oui, c'est-tu quand même positif du côté des Hurricanes? Est-ce qu'on est content quand même de la saison? Oui, très satisfait de la saison. Mais c'est sûr que les rapides, là, ils ont fini. Nous autres, on a fini une bonne fin de saison. Mais eux autres, ils ont comme une deuxième partie de la saison là, qui ont été vraiment particuliers. Là. Mais ils ont une très bonne attaque. Là. C'est l'une dans les meilleures attaques du Québec. C'est pour ça que la défense va être très importante pour eux autres. Donc, tu prévois Thierry Long? Je pense que oui. Qui pourrait se rendre à la limite? Je pense que oui, ça va aller probablement à 5. OK. Puis, écoute, on verra. Pascal Cloutier, on va te souhaiter la meilleure des chances. Fait qu'on va se reparler d'ici la fin de la série. Ben, il n'y a pas de problème. L'instructeur-chef des Hurricanes de Mastouillage, Pascal Cloutier.